Eh bien, merci. Retour donc dans ce studio. Tenez-vous tranquille, les deux sujets se tiennent. Celui que nous abordons aujourd'hui peut être considéré comme le prolongement du premier, parce que nous parlons donc de cette velléité de déstabilisation de l'Afrique, en partie du Sahel notamment, pour installer des hordes de terroristes dans ce Sahel-là. Question pour la France, parce que c'est elle qui est encore au banc des accusés ce soir. Question donc pour la France de mieux tenir les pouvoirs en place et, comme on dit, de pouvoir donc pêcher en eau trouble. Eh bien, je commence par vous, président Bandakani. Le verrou, l'un des verrous essentiels donc à la dissémination de la menace terroriste en Afrique, dans le Sahel de façon générale, le président Idriss Déby Itno est donc décédé et on apprend aujourd'hui que sa mort est liée à son hostilité par rapport aux besoins, par rapport à l'envie de la France de poser encore une mainmise sur ce territoire-là en favorisant effectivement la dissémination de cette menace terroriste. Est-ce que cela, je veux dire, au-delà de cette information, est-ce que cela vous surprend d'apprendre aujourd'hui que la mort du président Idriss Déby Itno est liée à un complot contre lequel il s'est donc opposé, qui consistait donc à déstabiliser les pays africains pour mieux peut-être, comme on dit souvent, diviser pour mieux régner. Comment ça va surprendre celui qui, dès le premier jour qui a suivi l'annonce de sa mort, a dit, pratiquement seul contre tous, que c'est la France qui a tué le maréchal? J'ai pris ça sur moi, je l'ai dit ici. C'est bon, vous vous rappelez, non? Ouais, je me rappelle, oui. Voilà, j'étais un peu isolé. Hein? Il fallait oser le faire. D'abord, il y a un élément important, Bongo, qu'il faut soulever. Non, mais avant de convoquer cet élément, je commencerai par dire que ce qui s'est passé avec le maréchal renvoie et met sur la table la complexité des dynamiques géopolitiques qu'on n'a pas analysées avec les premiers à premier plan. Beaucoup de gens font des analyses que j'appelle Simpliste. simplistes, merci le mot, pour rester poli. Analyse simpliste. C'est complexe. Parce que beaucoup de gens ont passé le temps à dire que non, le maréchal Déby, c'est le pion de la France. Quand j'ai passé le temps à me bagarrer ici avec des gens pour leur faire comprendre que c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. Il a fallu que ça arrive, que les gens commencent à ouvrir les yeux. Et même maintenant, après ça, tout à l'heure, et ce vous a convoqué nettement ici, quand le président le maréchal Déby entre en guerre contre Boko Haram, il faut le dire, la France décide d'activer ses réseaux du FMI pour asphyxier financièrement le Tchad. Les gens oublient ça. En sous-main, officiellement, en Non soutenant seulement en cette sous-main, mais intervention. officiellement, M. Fabius est dans l'avion. Il vient au Cameroun, parce qu'à l'époque, on avait attrapé les militaires français au Cameroun. Il vient pour cette affaire de retour du Cameroun, parce que le président, le patriarche du Cameroun, l'a dit que non, toi, tu es petit. Va appeler ton patron. C'est un dossier qui n'est pas à ton niveau. Sur la route, elle finit faire l'interview. Fabius dit que, mais on ne sait pas d'où le Tchad prend des ressources pour engager de telles guerres. Et ça demande, après ça maintenant, il faudrait aller au FMI d'abord. On verra, la France ne va pas Ne va pas le soutenir. Activer. Dit clair. Ben, Fabius le dit clair. La France ne va pas activer cette affaire. Pour démontrer à quel niveau la France était en désaccord avec le maréchal sur sa décision d'entrer en guerre par rapport à Boko Haram. Je rappelle ça pour que vous compreniez les dessous de ces choses-là, comment ça se passe. Et le maréchal n'entre pas en guerre dans Boko Haram comme ça en l'air. C'est qu'au départ, la France avait fait croire que non, vraiment, le problème du Cameroun va se régler en 6 mois. Le régime de Léon lui est tombé, c'est terminé. Et que, bon, on a fait miroiter les choses au maréchal. On lui a fait miroiter comme d'habitude. D'autres ont miroité les choses comme ça. Mais le maréchal s'est rendu compte un peu que c'est son pays, même le Tchad, qu'on veut détruire. Que si le voisin la tombe après ça, je suis mort ici. Absolument. Ils décident d'entrer en guerre. Le Parlement vote l'entrée en guerre. C'est une réunion du Parlement qui s'est réunie, Tout à fait. Décide d'envoyer les trucs en mer. Paris se lève pour dire que bon, on va voir comment tu vas financer l'affaire. Après ça, nous allons bloquer le truc au FMI. C'est ça. Donc, vous voyez, la répression. On réprime le président maréchal pour sa décision d'aller faire le travail que Paris prétend faire chaque jour, lutter Absolument. Contre les terroristes. Absolument. Bon. Alors, quand je rappelle ça pour vous dire quoi? Pour dire que les choses sont complexes, mon cher Bongo. Je vous répondrai, hein, mais je vais reposer le décor pour démontrer que les rapports géopolitiques que la France a tissés avec les États africains sont des rapports diaboliques. C'est diabolique. C'est-à-dire que les présidents africains sont dans un étau pas possible, mon cher Bongo. Et il arrive que certains, dont les pays dont l'histoire du pays est tellement liée à la France. Mm-hmm. Un pays comme le Tchad, mais un président, mais le Tchad a été longtemps, mais c'est, excusez-moi du terme, hein, c'est le marchepied de la France. Le Tchad, c'est le marchepied, ça a toujours été la serpillière de la France. On connaît l'histoire de Faure-Lamy, non, Bongo? On connaît cette histoire-là. Donc, ce ne sont pas des relations que vous coupez comme ça là, en deux jours. Il faut un procès. Pour il faut beaucoup de stagettes, beaucoup de zigzags. Les présidents tchadiens sont obligés de manœuvrer et débit après le temps qu'il a mis. Il a commencé à manœuvrer avec sa geste pour commencer. Et on a vu le désaccord de Déby sur l'intervention française en Libye. Le président Déby a pratiquement affronté la communauté internationale. Violemment, il a été affronté pour dire que c'est pas bon. Au fur et à mesure qu'il a commencé à s'automiser, la France a piégé. Surtout lorsque la France se rend compte qu'elle est en train de perdre la Centrafrique. Ça parle là. Qu'elle est en train de perdre, que c'est terminé. Elle demande à Déby que mais il faut jouer encore un double jeu d'être le sanctuaire. D'être le sanctuaire. D'un retour à force de Paris dans le précaré. Dans le précaré, Afrique centrale surtout. Déby dit niet. Il dit niet. Vous vous rappelez qu'il y a eu un rapport de l'ONU sur la situation sud-africaine qui demandait d'envoyer le président Déby à la CPI. Vous vous rappelez? Il a fallu qu'on se lève ici pendant des semaines pour dire que mais c'est quelle affaire ça. Mais c'était pourquoi? C'était pour lui forcer la main. On vous a dit tout à l'heure, Ibrahim vous a dit qu'il manœuvrait à l'ONU. C'était la France. Pour lui forcer la main. Le président Déby avait déjà pris des mesures d'expulsion. Il y a un élément dans le dossier Mungukiv qui est un pas important pour ceux qui voulaient douter encore. Quand le maréchal Déby meurt, on a entendu fleurir toutes sortes de terres. On a même dit que c'est le fils qui l'a tué. Absolument. Comme d'habitude. Voilà. L'autre jour, le président français, bon, je l'ai appelé président, bon, il est président français. Le président français, c'est quand il faisait son cinéma avec Bazoum, là, cette chose honteuse qu'on a vue là. Voilà l'image. Monsieur Macron a dit en manque de vision, il dit que ce sont les rebelles qui ont tué le maréchal. Vous n'avez pas suivi ça? Ah ben les gens qui n'ont pas suivi ont été distraits. Il a dit, c'est le maréchal, ce sont les rebelles qui ont tué le maréchal Déby. Or, monsieur Bongo, lorsque moi j'ai dit que c'est la France qui a tué le maréchal, on m'a dit, tu as quelle preuve? Quelle est la voix en Afrique qui a demandé à Macron la preuve? Quand il a dit que ce sont les rebelles. Il y a eu quelle enquête? Quand l'enquête qui a été faite pour amener monsieur Macron a dit que ce sont les rebelles qui ont tué le maréchal Déby. On suppose que ces services de renseignement. Non, n'allons pas loin. Moi, je suis en train d'aller quelque part. Je sais que c'est des questions rhétoriques, mais. Très bien. J'essaie de vous répondre comme le téléspectateur le ferait. Tout à fait. Alors, moi, ma bonne. Alors, seulement, ce que Macron n'a pas dit, c'est quoi? C'est que le chef des rebelles, là, il vit à Paris, il vit à Lyon. Il vit à Lyon. Bon, dites-moi comment un président dit que ce sont les rebelles qui ont tué le maréchal Déby. Et que le maréchal Déby était le partenaire clé de la France dans la lutte contre le terrorisme dans le Sahel. Et que, bon, certainement, donc, si un rebelle tue votre partenaire et que vous êtes allé à son aile le pleurer, comment ce rebelle peut-il habiter à Lyon? Pourquoi il n'est pas arrêté par la France? Deuxièmement, pendant que cette rébellion-là a été portée de main de maître par la diplomatie française. Parce que RFI France 24, il faut encore rappeler ça, sont les instruments de la diplomatie française. Absolument. Il faut rappeler ça. Donc quand France 24 parle là, c'est la voix, c'est la diplomatie française qui parle. Vous avez vu que cette rébellion a été soutenue matin, midi, soir par RFI France 24. Il y a un problème. Mais pourquoi la France officiellement soutenait ces rebelles-là? Troisième chose, M. Bongo. Quand le maréchal décède, le jupitérien, il est obligé d'aller au deuil. Parce que les présidents d'Afrique centrale, par la voix du patriarche camerounais, ont apporté un soutien. Les gens oublient toujours ça. On soutient. Sans faille. Sans faille. CMT. Au CMT. Très bien. Dans l'agenda, les gens oublient ça. Ça a bousculé tout l'agenda caché de M. Mahat. Il court, il vient au deuil pour briller les pistes. Et les Africains, ils tombent dans le piège. Quand il vient au deuil, il fait son faux discours, il dit que tous ceux qui vont vouloir porter atteinte à l'intégrité territoriale du Tchad, tout ça, vont trouver la France. Et des analyses simples. Les simples d'esprit, des agents français africains, ont profité ça pour dire que non, c'est, voilà, il a double office. Non! Il est temps de vouloir brouiller les pistes. Parce que les dynamiques qu'il y avait en Afrique centrale démontraient clairement que nous avons compris. C'est ça. Que nous avons compris. Alors, dès qu'il finit dès qu'il vient à son fauteuil, il vient faire son fauteuil au deuil, quand il finit, il rentre. Dès que Macron est rentré du deuil, la rébellion dit que non, c'est sur le feu unilatéral. Le deuil d'abord. Vous avez oublié? Non, non, pas du tout. C'est sur le feu unilatéral. Dans la veille, ils annonçaient qu'ils attaquaient. Qu'ils vont marcher ce Djamena. Dès qu'il vient là, il dit maintenant, c'est sur le feu unilatéral. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a plus eu jamais de reprise de feu. Tout à fait. C'est sur le, il n'y a jamais eu de reprise de feu. Mais attendez, vous voulez quelle preuve? Vous voulez quelle preuve, cher Africain? Vous voulez quelle preuve? Donc, le criminel revient toujours sur le lieu du crime. Les policiers qui ont de l'expérience le savent. Les policiers qui ont de l'expérience, quand il y a un crime quelque part, ils tournent seulement autour. Ils regardent les pièces, qu'est-ce qu'il y a? C'est peut-être qu'on boucle l'endroit. Même si c'est un caillou qui a du sang, on prend, on garde. On ramasse toutes les pièces parce qu'on est sûr que tôt ou tard, le criminel reviendra au lieu du crime. Pour le cas de Bachar Déby, le criminel est venu deux fois sur le lieu du crime. Deux fois. Il était au deuil. Il était là-bas au deuil. Maintenant, c'est plus grave. Il est encore revenu à mon deuil. Ils ont dit, ce sont mes gens, mes rebelles ont tué le maréchal. Mais vous voulez que je dise que c'est moi? Il n'a pas dit que c'est moi. Moi, M. Macron. Mais ce sont mes amis, mes agents ont tué. Une fois le plus, il est revenu lui-même avouer le crime. Donc, pour vous dire quoi? Pour vous dire que... Ce que vous dites là, le sujet, que l'agenda de la France, c'est pas un agenda caché. Il est déjà visible. C'est ce qu'ils font depuis qu'ils sont arrivés en Afrique. Depuis l'arrivée de la France en Afrique, que ce soit par la voie coloniale, mais la colonisation, et par les fausses indépendances, le néocolonialisme, qu'ils ont été obligés de concéder, tout et tout. Ça a toujours été ça. Des terroristes, c'est-à-dire des mercenaires. Parce que ce qu'on appelle aujourd'hui terroriste, c'est quoi? Ce sont des, avant, on les appelait mercenaires. Avant, la tête de proue, c'était Bob Denard. Avant, on les appelait Barbouze. Depuis que la France est arrivée en Afrique, dès qu'elle a mis son pied, premier jour, deuxième jour, elle assassinait déjà les chefs qui lui étaient opposés. Et pour les assassiner, elle infiltrait les chefferies. En retournant des Africains, Barbouzard, comment on appelle ça? Sous frifre des Barbouzards français, sous la colonisation, qui les formaient et qui les étudiaient comme étant des faux drapeaux. Et qui tiraient les fils? Pour assassiner. Des marionnettes, absolument. Tuer les présidents, les chefs d'abord qui s'y opposaient. Comme ça que la France a désorganisé les lignées des chefferies traditionnelles en Afrique, là où elle était. Vous allez voir, vous dites l'histoire voilà, avec l'autre histoire, vous allez voir. Là où il y avait des chefferies bien installées, où il y avait des chefs patriotes qui refusaient, n'est-ce pas, la colonisation, Paris décapitait ces chefferies-là, remplaçait la lignée, mon cher Bongo, en possédant pas des massacres de masse. L'histoire des relations franco-africaines, c'est un rapport ininterrompu de massacres d'abord, les massacres coloniaux, il y a des livres là-dessus. Horrible, déportation de chefs traditionnels, assassinant des chefs traditionnels les plus entrepris de quand ils n'étaient pas débordés, mon cher Bongo. La France a désorganisé les chefferies. Quand la fin de la colonisation arrive, elle fait la même chose, Bongo, avec les mouvements patriotiques. Elle les décapite et elle tue par centaines de milliers les patriotes. Et auparavant, elle tribalise. On dit mouvement national. Non, elle dit non, c'est un groupe ethnique, le parti là. Non, c'est. On dit, on veut l'indépendance. Non, c'est un groupe ethnique. Donc, on classifie les ethnies en opposant les ethnies dociles aux ethnies dangereuses. Les ethnies soi-disant dangereuses sont des ethnies qui ont le malheur d'avoir des fils qui sont des patriotes indépendantistes. C'est ça. Qui luttent pourtant pour l'indépendance de la nation. Ouais. Mais on va tribaliser le jeu, mon cher Bongo. Et ça va justifier des massacres de centaines de milliers, mon cher Bongo. Les mercenaires entrent en scène. Donc, ce n'est pas un agenda qui est aujourd'hui là. Donc, après ça, les Barbouzes sont mis en scène. Les Barbouzes assassinent les patriotes à l'étranger, chez eux, partout. Le cas Moumi est un exemple. Bechtel. C'était un colonel de l'armée française déguisé en journaliste. Il s'appelle William Bechtel. Absolument. Il a empoisonné Moumi. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y a jamais eu le moindre procès pour M. Bechtel. Il est mort tranquille. Il est mort tranquille. Bechtel. On le connaît. C'était un colonel. Faut pas dire que je fais le lien avec quelqu'un. Il a tué Moumier. Bob Denard, mais avant Bob Denard, tous les Barbouzes qui étaient déguisés comme étant des agents techniques à FCRK à l'époque. Agents techniques, opérateurs techniques, machin, qui étaient des Barbouzards qui venaient en Afrique, n'est-ce pas, repéraient, vous prenez le temps de repérer les habitudes des dirigeants et de leur entourage qui dérangeaient. On voit là où tu habites, on voit tes fréquentations. Et le gars repère, tu ne vois pas. C'est un agent technique qui travaille à Elf. Il est ingénieur chargé du pétrole. Oh, il n'est même pas ingénieur. C'est un militaire. Absolument. Il est là comme militaire, mais on le dit, il est ingénieur, mais il a une mission précise. Repérer tes habitudes, repérer. Souvent, après, il rentre, il fait le rapport, un autre vient, il vient t'abattre. Babouza. Et on l'explique. Dès qu'il t'abat, l'armée n'est plus là. On l'explique, il s'en va, il est parti. Même quand le pays connaît, le président, il ouvre sa bouche, on lui dit, il ouvre sa bouche, on va le renverser. Il se tait. Il ne peut rien dire. On vous dit, la quête n'a pas abouti. Pas pourquoi. Non. C'est une barbouzerie. D'accord. Vous comprenez? D'accord. C'est une barbouzerie. Donc je veux dire quoi? Je veux dire que ça n'a jamais changé. D'accord. Quand la fin de la guerre froide prend fin, pendant la guerre froide, c'était normal d'avoir des barbouzas. Ouais. On justifiait ça par la lutte contre le communisme. C'est ça. Les présidents avaient des milices. De Gaulle avait sa milice, c'est connu. Avait sa milice, De Gaulle. Les gens avaient leur milice, n'est-ce pas? Avaient les passeports, les machins, j'ai oublié le nom de l'autre. Les gars avaient leur milice qui tuaient. Mais quand la guerre est finie, la guerre froide finit, mais il faut recycler tout ça. Il faut recycler tout ce monde-là. Alors, on invente un concept. Donc, vous n'êtes pas surpris. On invente un concept. Oui. Terroriste. On invente ce mot. Terrorisme. Ça veut dire quoi? Il faut donner un nouveau travail. Un nouveau visage à la nouvelle menace. À ces... Non, c'est pas... Je veux dire ceci. Oui. C'est-à-dire que ces armées qui ont servi, prenons le cas de Ben Laden. Mais Ben Laden ne tue pas le père des talibans. Vous avez oublié. Il est chargé de recruter les talibans pour aller combattre les soviétiques en Afghanistan. Vous avez oublié, non? Non. Mais voilà. Donc, voilà. Maintenant, quand la guerre froide se termine, on convertit toutes ces armées informelles pour soi-disant lutter contre le terrorisme. Mais en fait, c'est comme vous dites, c'est qu'en fait, leur nouveau travail, ils vont être les terroristes. Parce que, alors, je viens à vous maintenant, il faut créer une nouvelle menace qui va justifier le maintien des complexes militaro-industriels. C'est ça. Il faut que donc, les gars commencent, ils deviennent des terroristes. Mais en fait, on crée les terroristes pour des raisons géopolitiques. Aller déstabiliser les États, aller créer des zones de chaos, pour justifier les interventions militaires, pour justifier les guerres de colonisation. Donc, je souhaite vous dire quoi? Pour dire que on fabrique les terroristes, ce n'est pas un agenda caché, maintenant c'est ouvert en plein jour. Mais qui ne sait pas ce que la France fait à Kidal? D'accord. Il faut encore dire ça. Qui ne sait pas ce qu'elle fait au Mali? Qui ne sait pas qu'au Burkina Faso? Qui ne sait pas? Mais ils ont transporté les rebelles en plein jour de Levant, n'est-ce pas? Pour amener en Libye. Ils ont failli abandonner les relations avec la Centrafrique. Et tout ça. Mais je dis l'armée. La France et les Américains ont créé des armées informelles en Libye. On le sait. Les milices des Intem et consorts de Tripoli sont des armées informelles françaises. Aujourd'hui, il y a un problème en Libye, c'est quoi? C'est que, mais qu'est-ce qu'on va faire d'eux? On est en train de faire pression pour que demain, on les mette dans l'armée. Mais une armée qui. Mais ça, c'est une armée espagnole. Ça peut marcher. Donc, il y a toutes ces armées-là que la France, qui sont fabriquées, qui sont là, qui circulent. Il a dit lui-même, président, ça pour mettre l'ovant moulin, il a dit lui-même au G5 Sahel que les autres armées. Donc, il n'a plus à payer le terme terroriste ou djihadiste. Je vais vous dire comme. Je réponds à votre question. Oui. Le lien avec l'assassinat de Pedro Fokwa. C'est que le problème, c'est qu'aujourd'hui, il faut un pays qui va jouer ce rôle-là. Il faut un pays. Maintenant, en Libye, c'est un problème parce que Poutine entre aussi en Libye. Vous le savez, Poutine entre en Libye. Et lui, quand il entre en Libye, lui combat les terroristes. Il ne combat pas le terrorisme. Lui, il traque individuellement. Donc, quelque part, les terroristes ont des problèmes. Il faut trouver un pays qui va, par exemple, jouer le rôle qu'on pourrait jouer contre le Burkina Faso. Tout le monde sait que le Ouaga était la capitale de tous les rebelles. Ils dormaient là-bas, tranquille à l'hôtel, ils allaient opérer, ils revenaient tranquillement. C'était la condition pour que son pouvoir soit maintenu. Ouais. Mais il faut trouver un endroit. Le chef des biens dit, je n'assume pas ça. D'accord. Vous comprenez? D'où donc son élimination? L'élimination. Merci. Le colonel dont je parlais, oui. Le colonel William Bechel, oui. Il a un collègue, Guignolo. Quignolo, absolument. Il a été pris où? En Centrafrique. Et il était le coordonnateur informel de tous les groupes rebelles qui opèrent en Centrafrique. Vous êtes sur mon regard. Merci.